C'est fou comme un balai. 89. C'est fou de la scène émergente. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit Simon Fitzbé avec sa chronique Police Dead. Et on fait le tour de l'Internet au grand complet dans la chronique technologique CNX. C'est à Assemblage requis et ça commence tout de suite. Oh! Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage requis. Salut Mathieu. Salut Kiki. Kiwan. Oui, merci. Kiwi. Non. Oui. Je vais t'appeler, Martine. Ben, c'est, au moins le féminin de Mathieu trouve quelque chose, tu sais. Je sais pas, moi. Martine. Je trouve c'est pas pire comme féminin de Mathieu, non? Mathilde? Mais non, Martine, c'est le féminin de Martin, c'est comme évident. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc Mathilde, mettons. Mathilde, ok. Ça a du sens. J'ai vu une. En tout cas. Des drôles de noms hein, dans la vie. Sunshine, mettons, non? En tout cas. C'est blague facile. Ouais, je sais, il y a un bébé qui est né. C'est le premier bébé au Québec qui s'appelait Sunshine. Je veux pas manquer de respect, mais c'est un nom. C'est pas un manque de respect. Je trouve que c'est un beau nom, finalement. Moi, j'aime ça, c'est comme soleil. C'est ensoleillé, ça met de la bonne humeur dans notre vie. Ça aurait pu être Sunrise, tant que ça, étant donné que c'est le premier bébé de l'année. Ça aurait été concept, tu sais. C'est vrai, ça. C'est comme un soleil qui se lève. Ouais. OK. Tout à l'heure, à la fin des palmarès, tu as fait une blague sur crème de café. Je veux que tu m'expliques c'est quoi une crème de café. Ben, une crème de café. C'est quoi ça? Ben, tu sais pas c'est quoi une crème de café, c'est parce que tu bois pas de café. Ben, je bois du café à tous les jours. T'as jamais de crème de café? Non. Bon, mais un jour, ça t'arrivera. C'est quoi, c'est un problème d'estomac, de boyau? C'est un genre de problème gastrique, okay. Je dirais. Ouais. D'accord. Ça aussi, c'est un beau prénom, gastrique. T'sais. Gastrique, ben oui. Pas de papier. Bon. Gastrique plante. Voilà. C'est pas beau. C'est moitié botanique, moitié estomac. C'est super beau. Bon. Bienvenue à Assemblage requis. Vraiment, là, merci d'être avec nous. Vraiment. Tous les gens, peu importe votre nom, Sunshine, Gastrique, la gueule. Vous êtes fait fort. Vraiment. Hey, aujourd'hui, dans l'émission, oui, on va recevoir Simon Fitzbé qui va venir nous parler aujourd'hui dans sa chronique Police Dead. Il va nous parler de... Du côté sombre de Phil Spector. Exactement. Oui. Et aussi, tu vas nous faire une petite chronique CNX quelque part dans l'émission. Et tu vas parler de quoi aujourd'hui? Oui, on va ouvrir le bottin de l'Internet. On va faire une petite visite guidée de ce qui se passe en ce moment sur Internet à l'avant-garde de ce que vous allez peut-être recevoir par courriel par votre tante dans quelques mois. On sait pas. Ça va être beau. Ça va être très beau que ça va être dans l'émission aujourd'hui. Tout à l'heure, juste avant la pause, on avait entendu une pièce de Islands. On avait écouté la pièce Switched On. Hein? Mais on aime ça, Islands. On va en entendre plus encore. On se tannera jamais. Donc, on va écouter la pièce No You Don't de Islands, toujours de l'album Vapors, à Assemblage requis. Au 89 FM. Crème de café. Un café, par contre, quand je ris, c'est comme avec du café. C'est comme une. Je crème de café. C'est comme je fais. J'ai comme. Je crache mon café. C'est comme un jour, tu sauras. Catch me, so don't you tell me. pulse before you're deep in the dirt. Crushed by a cross like jumping out of a moving train. Joel Plaskett qu'on vient d'entendre. Ah, dis-moi pas. Ben oui, avec la pièce... avec la pièce Every Time You Leave. Every Time You Leave, c'est ce qu'on vient d'entendre de Joel Plaskett à Assemblage Requis. Every Time You Leave, oui. C'est ça? Bon. Exactement. De l'Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées, c'est Kiwan et Mathieu qui sommes avec vous. Hein? En partie. Oui, on est là. Oui, Every Time You Leave, à chaque fois que tu t'en vas, ça peut dire qu'on est parti. Non, non, on est revenu. Oui, on est de retour. Oui, le retour du congé des fêtes, très apprécié en passant, juste pour vous dire. T'as-tu profité du congé des fêtes, Mathieu, pour écouter un peu la télé? Non? Oui, j'ai quand même écouté beaucoup de télé. Moi, j'écoute jamais la télé, là, sauf que hier, ça fait pas vraiment partie du congé des fêtes, là, officiellement, mais hier soir, il passait vraiment un film qui a marqué mon enfance. Je me souviens plus sur quel réseau, je pense que c'est comme le réseau autochtone là, à APTN, pas trop, c'est ça. Ils ont passé Commando avec Arnold Schwarzenegger. Et le lien avec... Il n'y en a pas. C'était malade. Ils sont rendus qu'ils passent n'importe quoi parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné à l'arrière-plan dans une scène qui passait derrière, quelqu'un de la communauté. Non, c'est ça, ça n'a pas de lien du tout avec le canal, vraiment pas, sûrement pas. Je sais pas au juste c'est quoi le lien, là, mais en tout cas, c'est vraiment cool d'écouter ça. Quand j'étais petit, je trouvais que c'était vraiment hot comme film. Puis là, à une certaine époque, à un moment donné, je trouvais ça super ringard. Mais là, je l'ai écouté hier, j'étais crampé tout le long, Commando avec Arnold, c'est vraiment très drôle. Il y a comme une image qui hante ma tête présentement, puis c'est pour ça que... Non, c'est pas pour ça que je t'en parle, mais il y a un gros plan dans le film, il y a un gros plan de la face d'Arnold, puis il y a une crotte dans son nez. C'est vraiment ça fait pas partie du scénario, là, c'est juste qu'ils ont oublié de... Non, elle a pas de personnage, la crotte de nez. C'est juste figurante comme ça, vraiment. Ouais. C'est peut-être elle qui est de la communauté. Bon, d'accord. Non, mais... Je sais pas, moi. Peut-être qu'elle vient de quelqu'un. N'importe quoi. Quelqu'un lui a prêté son Kleenex. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Bon, tu vois, mes talents d'improvisation sont pas très bons. Hein, Kiwan? Bon, je pense que tu vas faire un lien, là, si tu parles d'improvisation. Tu parles jamais d'improvisation. C'est juste naturel comme lien. Telle une crotte de nez, c'est naturel. Mais je compare pas partie intime à ça, évidemment, parce que ce soir, c'est le premier match de partie intime pour 2010. Et pour la première fois en 2010, le collectif de partie intime invite un ami, un collègue, un grand improvisateur de la LIC, la Ligue d'improvisation de Québec. Donc, Hélène Martin et Alexandre Gauthier et Guillaume Chet-Janson et Marc-André Fortin, qui sont les membres de partie intime, vont accueillir et inviter, mais ils l'ont déjà invité parce qu'il va venir, hein? Christian Saint-Pierre va être là, fort de son expérience au sein de plusieurs ligues du Québec ainsi que du collectif des architectes. Monsieur Saint-Pierre va apporter profondeur et nouveauté. Hein? Je ne sais pas si c'est ce qui manquait dans partie intime. Du tout, je les connais, si on se parlera. Ça ne manquait pas du tout de profondeur. Quoique... Crotte de nez encore. Quoi, j'ai une crotte de nez? Non, profondeur. Ah, profondeur, c'est parlait de profondeur. Ouais. Okay. Donc... il ne faudrait pas oublier non plus l'apport sonore du merveilleux DJ Alex Drouin, qu'on adore, ancienne Betterave Hurlante, il va être là lui aussi. Et donc, allez voir une session théâtralisante, si on veut, de partie intime. C'est ce soir, mercredi 6 janvier, à 20h, c'est au Charlot. Et c'est quoi juste le concept de partie intime? C'est de l'improvisation, d'improvisation théâtrale, Kiwan. Non, c'est ça, mais on se dit, c'est pas toujours, dans le fond, c'est toujours théâtral un peu l'improvisation. Mais en fait, c'est une partie, un peu comme une partie d'impro, mais vraiment sans aucune restriction, sans toutes les règles qui entourent généralement une partie d'improvisation. Pas d'arbitre. C'est un peu genre d'improvisation libre, ou je sais pas trop comment dire. Pièce de théâtre improvisée. Je pense que finalement, là, ça ressemble à ça. Quand tu vas voir le produit fini, là, c'est comme une pièce de théâtre qui a été improvisée. Okay. Ça donne ça un peu. Une improvisation qui a été pièce de théâtrée. Ouais, ça, tu peux le dire comme ça aussi. Ou pas. Donc, partie intime ce soir, Charlot, à 20h. Allez-y donc pour voir. Assemblage Requis qui continue jusqu'à 17h. On va retourner en musique un petit peu, entendre un classique de Elephant Stone. Oui, on va écouter la pièce Bombs Bomb Away d'Elephant Stone tout de suite à Assemblage Requis. Oui. Des bombes comme Arnold Schwarzenegger quand il se prend une crotte de nez. Puis... Ah, c'est terrible, Commando, là. Tu vas te relouer ça, Mathieu. C'est vraiment malade. Thought of the cost of building the line. So far. history has told of no such tale. The gods did war with the demons in the air. So bombs bomb away and kill another man. No part of the cost, the building will land. So bombs bomb away and kill some other son. Make sure to send a note of how you have won. So bombs bomb away. Bombs bomb away. We're meant to be done. She's Falls, le groupe Falls et la pièce Red Sox Puggy, c'est ce qu'on vient d'entendre à Assemblage Requis sur les ondes de 89.1 FM. Ben oui, ça me rend fou, tellement c'est bon. Si j'étais une fille, je pourrais dire ça me rend folle. Ça te rend Falls. Très, très, très bon jeu de mots, ça, Mathieu. Merci, merci. Félicitations. Merci. Ouais. Kiwan? Oui? question controversée, pour ou contre le mariage? Tu veux qu'on fasse un débat tout de suite? Non, du tout. Ou c'est une demande en mariage? Oui. Fais? Non, okay. C'est plus ça. Non, en fait, c'est pour t'amener sur le sujet d'un article que j'ai vu sur weddingabc.net qui nous parle des mariages les plus bizarres qui ont eu lieu. Ça t'entend en parler comme ça. Dans le désordre total, on se fout un petit peu des numéros dans ce cas-ci. Commençons avec un mariage à la Shrek. Mm-hmm, c'est vrai. Des gens qui sont déguisés en Shrek. Okay, okay. Ils sont peinturés comme ça, avec de la peinture verte, puis déguisés, tout ça. Ça doit être super mignon. On peut voir la photo sur assemblagerequis.com, évidemment. Donc, un mariage Shrek. Il y a aussi un mariage nazi. Inapproprié, peut-être, des fois, comme sujet. Ouais, c'est de mauvais goût, un peu. Un peu, mais je vais t'expliquer. C'est monsieur et madame Birdshaw de Kent, en Angleterre, qui ont eu un mariage nazi comme ça, parce qu'ils sont dans un groupe qui reconstitue la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a des invités qui étaient habillés en uniforme britannique, en uniforme américain, tout ça. Puis, il y avait des affaires nazies là-dedans aussi, parce que ça allait avec le chose de la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Donc, c'était simplement historique, là. C'était pas fanatique. Okay. Ensuite, il y a eu un mariage Peter Pan Tinkerbell. Tu sais, c'est un gars, il est connu sur Internet, là. C'est un gars qui se déguise en Peter Pan tout le temps. Grosse vedette. Et bien, il s'est marié avec une fille, puis il était déguisé en Tinkerbell. Donc, c'était un mariage Tinkerbell, Peter Pan. Un mariage à la Halo. Oui, avec même à la fin un niveau 2 qui apparaissait sur un écran plasma pour dire qu'ils sont passés au prochain niveau. Allez voir les photos, c'est super beau, un mariage Halo comme dans le jeu vidéo. Waouh, c'est bien romantique, ils passent au prochain niveau. Hey, ça me touche. Mariage à la Star Wars qui a eu lieu récemment en Ukraine. Ça doit en avoir plusieurs, je suis sûr. Sûrement, oui. Jar Jar et un paquet d'autres personnages comme ça pour la création de George Lucas. Ensuite, il y a eu un mariage à la Star Trek. Hein? Parce que quand tu parles de Star Wars, il faut aussi que tu parles de Star Trek. C'est ça aussi, il doit en avoir beaucoup. Je pense qu'il doit plus avoir de mariage Star Trek que de Star Wars. Ah, ben ça... Je pense qu'ils sont un petit peu plus weird, les fans de Star Trek, non? T'as tellement des préjugés qui vont... Non, non, mais je sais pas. Tu sais, ceux qui vivent là, comme les personnages, qui s'habillent toujours comme ça, puis qui ont des communautés, là, où ils font des genres de grandeur nature, non? Ouais, peut-être. Ben, c'est pas pire que les gens qui recréent la Deuxième Guerre mondiale. Non, c'est sûr. Non, c'est tant qu'à ça. Donc, ça s'est passé à Las Vegas parce que là-bas, il y a vraiment une place où tu peux vraiment te marier. Il y a même un bar, le Quark's Bar, qui est pareil comme dans celui de Deep Space Nine. Donc, en 2009, on dit même que Star Trek Wedding Chapel, la chapelle de mariage de Star Trek, a été choisie comme meilleure chapelle de mariage à Las Vegas. Bon. Mariage sous la mer, sous l'eau. Je sais pas comment ils font pour dire, tu sais, qu'ils aiment l'autre personne sous l'eau. Mais bref, peut-être avec des mimes, je sais pas trop quoi. Allez voir les photos encore une fois d'un mariage sous l'eau. Il y a eu un mariage à la style Renaissance, si on veut, tu sais, Henri VIII, etc., etc. Mm-hmm. Mariage de super-héros avec Superman, Batman, Robin et un paquet d'autres gens comme ça. Mariage zombie, mariage nu. Encore une fois, allez voir la photo de mariage nu, évidemment. Mm-hmm. Mariage à la Stormtrooper, encore une fois dans Star Wars. Mariage avec des vêtements peints. Sur les gens, vraiment, leur tuxedo, leur robe de mariage était peinte sur les personnes. Ah, c'est pas pire, ça. Très bonne idée. Mm-hmm. Ça, j'aime ça. Tu sauves de l'argent. Même chose pour le mariage nu, hein. Je sais pas si tu sauves vraiment de l'argent, parce qu'il faut que tu engages des artistes qui font ça pendant je sais pas combien de temps. Là. Ça doit être assez long. Là. C'est pas le genre de choses que tu botches, hein, ça. Non. Le mariage nu, d'ailleurs, ça me rappelle qu'il y avait des roses placées à des endroits stratégiques sur leur corps. Donc, la famille n'avait pas nécessairement à voir tout ça. Ah, c'était quand même pudique. Mariage avec des masques à gaz, encore une fois, quelque chose qui a rapport avec la guerre. Là. Masque à gaz. Et finalement, un mariage où les gens sautaient d'un avion. 5000 pieds dans les airs, 125 000 à l'heure. Très romantique, là encore. Voilà. Donc, c'est des mariages hétéroclites, bizarres, trouvés sur weddingabc.net. Allez voir sur assemblagerequis.com. J'ai mis le lien si ça vous intéresse de voir les photos. Parfait. Cool. Tout à l'heure, on va recevoir Simon Fitzbay. Oui, c'est dans quelques minutes. Ça s'en vient. En attendant, on va aller écouter la pièce de Chinatown qui s'appelle le Tu es un 8 qui est sur le palmarès francophone, je crois. Oui. Donc on écoute Tu es un 8 de Chinatown et après ça, Simon est avec nous. Okay. Assemblage requis. Si tu viens danser, je te donne ma vie. Crois-moi qu'elle est chouette, ma vie. Mes souliers souillés sur le dance floor.

tension. I want to walk in a brand new dimension. Keep my heart from breaking apart. Tell me, when will our story Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. C'est la deuxième heure qui commence. Oui, on va commencer ça tout de suite en musique, je crois, avec une pièce du palmarès francophone. On va écouter une pièce des Amis au Pakistan. En attendant, ta chronique CNX, CNX, ça s'en vient dans quelques minutes, mais pour tout de suite, on écoute La fleur de ma journée des Amis au Pakistan. Tu

Ben, juste des lunettes, ce serait assez. Juste une paire de lunettes avec une... Bon. Voilà qui fait le tour de l'Internet pour cette semaine. Hein? Il s'en est passé des choses bizarres et ridicules sur Internet. Pourquoi pas? Bien plus que ça, en plus. En fait, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une petite partie. Ouais. Bon. Donc, une autre chronique technologique CNX demain, ici dans Assemblage Requis. Il y en a toujours trois par semaine. Ça tombe bien parce qu'il y a trois émissions cette semaine d'Assemblage Requis, donc une par jour. C'est beau. Hein? Peux-tu dire qu'elles sont rassemblées en un seul fichier? Ben oui, et ce fichier est diffusé les lundis matin à 10h sur les ondes de C'est Fou. L'émission s'appelle CNX.zip, c'est animé par toi, Mathieu Plante. Et ça regroupe toutes les chroniques, les capsules CNX qui ont été diffusées initialement ici à Assemblage Requis. Toutes plus poches les unes que les autres. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu, là? On retourne en musique, on va écouter un petit peu des trois accords ici, là. Oui, on va écouter la pièce dans le palmarès francophone cette semaine. C'est « Ton pantalon est plein ». Oui! Donc, pantalon plein. Je sais pas si tu tapes ça sur YouTube, mais ça devrait peut-être pas des beaux résultats. Soir de plein de temps, les freins n'étant pas sortis, vous me trouvez bien dans le pays.

Bronze Age du groupe Demon Tear, comme vient d'entendre le groupe de Toronto, Demon Tear, qui sont venus à quelques reprises dans l'automne dernier, dans les derniers mois, fait quelques dates au Québec, et puis là, sont en train de compléter les dernières dates en Ontario, dans leur coin, avant de s'en aller à la fin du mois pour 2 mois pour une tournée européenne, une trentaine de dates dans une dizaine de pays pour eux, donc c'est très chouette. Est-ce que les dates vont être Demon Tear, comme Dave MM? Oui, c'est quand même très précis là, ouais. Comme date. Je dirais que c'est assez difficile de se tromper de date. Là. Il y a beaucoup d'informations dans les dates. Les dates. Les dates. Ouais. That's true. Bon. Vous êtes Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Il nous reste une quinzaine de minutes à faire ensemble. Pas à faire, parce qu'à faire, c'est comme si c'était une sentence ou une punition qu'on était forcé à faire de la radio. C'est pas vrai. Mais non. Mais non, t'es trop prévu. Tu te rappelles, hier, on a parlé de faits divers, de choses... Hier? C'était bien hier, ouais. De choses diverses, des faits cocasses, des trucs... C'est des faits. C'est un fait. C'est un peu ça, la chronique. Donc, sur twitter.com/omgfacts, on poste un paquet de petits faits rapides comme ça. C'est genre le fait que le vrai nom de Chuck Norris, c'est Carlos Ray Norris, mettons. Ou encore... Mais c'est vrai, ça? Ben, apparemment. Ben là, shit, ça vient de faire mes rêves d'enfant. Ben, Caroline qui est bon. Attends, je vais... Ben, parce qu'une fois de temps en temps, c'est ça, l'histoire de la chose, c'est qu'une fois de temps en temps, quand je vais sur la page Twitter de OMG Facts, j'y vais super souvent, il envoie vraiment beaucoup, beaucoup de petits faits. Une fois de temps en temps, je regarde juste pour être sûr que c'est vrai. Comme dans ce cas-ci, je viens de taper Chuck Norris Wiki, et ça me dit vraiment sur la page Wikipédia que le nom de Chuck Norris est vraiment Carlos Ray Chuck Norris. Mais là, si Chuck Norris, c'est pas son vrai nom, est-ce que son pad, il est vrai, lui, au moins? Ah! Ils disent-tu sur Wikipédia qu'il porte un faux pad non, ou non? Une non. Fausse barbe? Non plus. Bon. Non. Bon. Donc, une fois de temps en temps, je cherche et je vois que c'est vrai. Par exemple, intercourse en Pennsylvanie. Intercourse, ça veut dire faire des l'amour, là. Intercourse. Intercourse. C'est une ville en Pennsylvanie. C'est vrai, il y a une ville qui s'appelle Intercourse en Pennsylvanie. Ou encore, que la plus longue sentence de prison qui a été donnée aux États-Unis, était aux États-Unis, donc dans le monde au complet, c'est aux États-Unis que ça s'est passé. 10 000 ans pour un triple meurtre. 10 000 ans de sentence en prison. Quand même. C'est significatif quand même. Mais une fois de temps en temps, sur la page, j'en vois que je me dis impossible que ce soit vrai. Absolument zéro, aucune chance que ce soit possible. J'ai même pas besoin de faire des recherches, ça se peut juste pas, là. Parce que là, le fait le plus récent sur la page, c'est que c'est possible de démarrer ou de partir un feu, de faire un feu, en frottant rapidement deux Doritos Cool Ranch ensemble. Ben, tu vois, moi, je l'essayerais avant de dire que ça se peut pas. Vraiment. Je l'essayerais vraiment. Ben, pourquoi pas? Pourquoi ça se pourrait pas? Mais parce que si c'était vrai, Doritos les retirerait du marché, là. Pourquoi? Mais parce que c'est bien trop dangereux. Voyons donc, les enfants qui frottent des Doritos ensemble, voyons. Mais non, mais là, t'as-tu déjà parti un feu avec du bois, par exemple? Ils vont-tu retirer tous les articles de bois des garderies parce que c'est trop dangereux? Oui, il faut vraiment que tu frottes vraiment fort. Ça se passe pas comme une explosion, là, genre tu brasses ton sac puis il s'enflamme, là, comme ça. Parce que moi, en tout cas, je le laisserais. En théorie, ce serait vrai, mais en pratique, ça s'écroulerait. Les chips se défraient en morceaux, peut-être. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Peut-être que scientifiquement, les ingrédients font que ce serait possible s'ils étaient frottés contre deux affaires vraiment très, très solides qui feraient que ça casserait pas, que peut-être qu'un jour, on pourrait faire un feu. Peut-être. C'est peut-être ça qu'il veut dire. En tout cas, moi, je prendrai pas de chance. Je vais mettre ça dans mon sac de survie. Quand je vais en randonnée, je vais mettre un sac de Doritos. T'as déjà ça dans ton sac de survie. Parce que, de toute façon, si jamais si ton briquet marche, ben, tu peux manger les Doritos. Donc, c'est ça. Ça marche quand même, comme survie, là. Ça, ou encore, peut-être que c'est un faux fait qu'ils ont mis là-dedans, au cas où que les gens copient-collent ça sur un autre site puis créditent pas la source en disant « Ah, j'ai trouvé des faits, copier-coller », puis là, ben, ils vont savoir que c'était de là qu'ils l'ont copié. Parce que, savais-tu que les cartes, il y a des compagnies qui fabriquent des cartes, des cartes de routières, ils mettent des fois une fausse ville ou une fausse rue, un faux embranchement, une fausse courbe dans une rue, juste pour pouvoir dire, si quelqu'un copie la carte d'une autre compagnie, ben, ils vont pouvoir dire « Ah, regarde, c'est une fausse ville, ça ». Ça arrive, c'est vraiment prouvé. Les compagnies de cartes font ça. Google Maps, j'ai entendu dire qu'ils avaient fait ça, je suis pas sûr. Je savais pas qu'ils faisaient ça, mais tu vois, je comprends maintenant pourquoi certaines cartes que j'ai déjà lues, que j'ai déjà consultées, il y avait des choses qui n'existaient pas. Sainte-Monique, c'est ça ta ville? Non, Saint-Majoré. C'est ça que j'allais dire, ça existe parce pas. Parce que je suis né là, ça existe pas. Certains. Je suis sûr que ça existe pas. Ouais, t'as pas de preuve que ça existe. C'est vrai, peut-être que ça existe pas. Bon. Je me suis peut-être fait duper toute ma vie aussi. Ça semblait aussi. Peut-être, ça se peut. Ouais. Non, je pense pas. Non. Ouais, c'est majorique, là. Arrête de dire qu'il n'existe pas, là. Ça me fait de la peine. Tu me brises le cœur. Ça a juste pas l'air crédible comme nom de ville. Mais pour vrai? Pour vrai? Mais non, mais il existait vraiment quelqu'un qui a été qui a été fait saint, là, canonifié, ou je sais pas. Canonifié. Canonisé. C'est comme Sunshine Bisson. Je suis sûr que ça se peut pas comme nom. Bon. En tout cas. On pourrait en parler bien longtemps. Ou on pourrait aussi ne pas. Ça risquerait juste de miner notre amitié, fait qu'on le fera pas. Bon. Non, mais rendons hommage aux gens, à la population et aux saints. Aux saints. Une saint? Un saint? Majorique? Ouais. C'est un homme. Un homme. Bon, le saint Majorique, rendons-lui hommage. C'est un nom masculin. Tu penseras à ça si jamais tu as un enfant un jour, c'est un petit garçon. Tu penseras à Majorique parmi tes choix de prénoms. C'est très, très, très masculin. Viril. C'est quand même, ouais. Hein? T'as Chuck Norris puis t'as Saint Majorique. Mais tu mets un K à la fin, c'est plus. Ah oui, mais oui, parce que tout de suite, ça devient. Oui, ouais, c'est vraiment plus. Ben, ça devient automatiquement moderne et très branché. Puis tu mets un K à la fin. C'est Majorique. Comme un X. Majorique avec un K, ouais, c'est super hot pour vrai, là, ouais. Comme un X, ça, c'est extreme. Ouais, ouais, c'est comme CNX, ça vient d'à quelque part, ça. Parce que c'est extreme. Comme les Cool Ranch Doritos. Ça aussi, c'est dangereux. C'est dangereux. Faites attention quand vous en mangerez pour pas prendre en feu. Ce serait une très belle campagne de pub, par exemple, juste de pouvoir dire. Ben oui, tu pourrais faire du feu avec. Quelqu'un qui s'enflamme, tu sais, qui s'immole. Ouais. Très bon. Ça marche sur YouTube, du monde enflamme. Hein? Très bon vendeur. Ouais. Hey, est-ce qu'on retourne en musique? S'il te plaît. On va aller écouter le groupe Les Darling Dummies avec la pièce She Took Off Her Glasses. On écoute ça tout de suite à Assemblage de qui? Elle a enlevé ses lunettes. Ça, c'est extreme! Oui, c'est un peu vulgaire, hein? Ça, c'est de la dénudation. Focal. Bifocal. Puis bifocal. Les lunettes, c'est des fois bifocal. Là. On écoute Darling Dummies tout de suite à Assemblage de qui? It's the easiest path. A girl with a fragile heart will love you back. Clock on the mountain of age till it all looks Darling the Maze avec la pièce She Took Off Her Glasses. Yeah, that's sexy. Très, très, très coquin, ça. Ben oui, crime, c'est agace, je dirais même. Ah ouais, ben là, pas de potent. Non. Pousse-toi que quelqu'un enlève ça. Genre Simon du Rivage enlève ses minutes. Bon. Bon. Qu'est-ce que t'en penses qu'on termine l'émission ici, toi? Ben, c'est dommage de terminer ça comme ça. Mais ouais, c'est vrai que ça finit mal un peu. C'est quand même ça qui est ça. Je pense que... Trouves-tu quoi de plus drôle à dire? Ah ouais, ben vas-y, essaye. Enlève tes lunettes, peut-être, ça pourrait finir... Ouf, j'ai un frisson. Alors, c'est comme ça que se termine cette émission, cette édition aujourd'hui de l'émission Assemblage requis. Oui, on va être de retour demain, jeudi, entre 15h et 17h, avec une toute nouvelle édition, bien sûr. On va recevoir Philippe Ardoya, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, pour faire le tour du numéro en cours demain dans l'émission. Soyez là à partir de 13h, par contre, hein? Ben, en fait, soyez là toute la journée, mais demain à 13h, je vais animer les Palmarès Cipo édition Franco, suivi d'Assemblage requis, donc ça va être une grosse fin de début d'après-midi, puis de fin de début de soirée. Genre... sur nos ondes ce soir, assez fou, soyez là pour un petit peu de rap avec Vault Fass et puis Psy Théa avec de la musique électronique. C'est ce qui se passe en soirée sur les ondes de C'est fou. Demain matin, il y a évidemment la pilule du lendemain à 7h et le dîner de con à 11h. Nos émissions quotidiennes de C'est fou qui seront toujours là pour le restant des temps. Si on tape. Oui, puis à partir de la semaine prochaine, il va y avoir une nouveauté les mercredis aussi. Ça va être moi. À 17h, ça va être l'émission de la dernière porte à gauche qui va se déplacer du mardi au mercredi, mais pas aujourd'hui. Liste de jours. Exactement, donc juste un petit pas vers le côté, vers le mercredi, donc à partir de mercredi prochain. T'aimes ça les mouvements de hanche de gauche à droite? J'adore me déhancher. Voilà, tu le fais bien d'ailleurs. Et on va se laisser avec une pièce du groupe Spoon, ça va s'appeler Don't You Ever. Spoon, Colin, s'il y avait des gens, des chroniqueurs en studio qui pourraient faire des jeux de mots sur le fait que toi et moi on dort à cuillère. Je pense que ça a déjà été fait. Alors, on se laisse avec Spoon, Don't You Ever. À demain, Mathieu. À demain, cuillère. Ah, Q1, excuse-moi. Q1. Je me trompe tout le temps entre Q1 et cuillère. Très drôle, très, très drôle. Jim, can you record the talk back? Record that, Jim. Bet. Sleeps around.